parce que c'est des gens qui vont en réflexion et qui ne savent pas quoi faire. Parce que quand on va faire, on pense à ce qu'il y a, le SmartMX, aussi le Facebook Sam, est-ce que c'est des gens qui se prennent bien justement à ce public-là? Et c'était justement parfait, c'est l'environnement qu'on avait. Parce qu'avec le bruit de fond, les gens qui prenaient pas ensemble, on n'avait pas 5 minutes pour expliquer les règles. Donc ça jouait beaucoup mes spatines de super comique et de chansons dans l'Australie avec les petits. C'est pas les commentaires par rapport à ces jeux là qu'on entend le plus régulièrement. Par exemple, mes spatines, c'est un jeu de rapidité, un jeu de où on crie fort. C'est pas les écouteurs pour ce jeu-là. Parce que les gens sont toujours surpris de voir que wow, ça peut être sur un jeu de société. Si on dit jeu, on a l'image du monde. On a l'image du jeu qui monopolise toutes les conversations sur les jeux de société. Je n'en avais pas. Et puis, là, tout à coup, ah, non, dans un jeu, on crie, dans un jeu, on revient, on a chaud, on est épuisé, dans un jeu, on parle de poutine. Donc, c'est vraiment la surprise, puis l'étonnement. C'est bien fun de faire vivre ça aux gens, puis de voir ça dans leurs yeux. Super comics, ça va être dernier, c'est pas les réactions. Les réactions sont aussi très bonnes. Encore une fois, une surprise, ben, j'ai pas de règles à prendre, je tire une carte, puis je joue. C'est très déstabilisant pour les gens. Très attiré aussi par le thème, évidemment, les super-héros sont en vogue avec tous les films de Spider-Man, Batman et compagnie qui sortent ces temps-ci. Alors, la relation est très très bonne. Puis, évidemment, on a de l'espoir que ça va jouer pendant les fêtes dans les familles québécoises. Le salon du jeu est joué à la première édition. Après ça, ça va s'en prendre dans les prochaines années. On a eu beaucoup de discussions à toute fin du salon avec l'organisatrice de journée de communication. Elle a été vraiment emballée. C'est un monde qu'elle a découvert, là, quand elle a pris le monde d'or, elle connaissait à peu près rien du jeu. Elle a rencontré Catherine Gauche-Schmidt, et puis elle lui a présenté tout le monde du jeu. Elle était vraiment enchantée de découvrir tout ce monde-là. Elle est très intéressée de poursuivre vraiment dans la voie du jeu pour se trouver une niche et éviter juste pour jouer aux familles, mais pour vraiment faire découvrir le jeu aux Québécois. Là, justement, bon, on parle un peu de ce que vous remarquez, qu'est-ce qui s'en vient. Vous avez trouvé le jeu qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors pour 2011, on a trois sorties prévues. Une dont on ne peut pas parler encore, qui est trop loin. Mais deux jeux prévus pour le printemps. Le premier qui s'appelle Trafic, Panicule, c'est une française. Et c'est un petit jeu d'observation et de rapidité, un peu comme le jeu Carousel qui était sorti il y a quelques années dans le format Camaro chez Asmodee. Donc essentiellement, on cherche à retrouver sur le plateau des voitures qui sont disposées de la même façon que sur vos cartes en main pour pouvoir se débarrasser de ces cartes. L'autre sortie qui est prévue, c'est le jeu Cal, qui est une création de Daniel, et je ne sais jamais comment prononcer, Quadback, en fait. C'est en français aussi. Et c'est un jeu essentiellement de curling à la préhistoire. Alors, on déroule un long tapis qui est en fait une espèce de long vaisseau gelé, et puis on lance des pierres vers le centre comme au curling. La petite nuance, c'est que là, on a aussi des objets qui nous permettent d'améliorer nos tirs. Par exemple, il y a des machines qui permettent de déplacer des pierres une fois qu'elles se sont arrêtées pour les rapprocher du centre, idéalement. Et aussi, il y a les totems qui nous permettent de protéger nos pierres qui ont été bien placées. Donc, il y a vraiment, ça va être surprenant, mais il y a une forme de gestion de ces objets-là. Et ça fait que c'est un jeu qui marie tactique et adresse. Donc, il a bien réussi, ce qui est assez rare, justement, dans le jeu, bien marié, adresse et tactique. Se dérouler, ça pour conserver la mémoire de sa forme. S'il y avait un froid sur le plateau de Pitcairn, avec ce qu'on a trouvé finalement comme meilleur produit, il va bien se défroisser, puis il gardera pas de pluie. Ça, c'est super important parce que les jeux d'intérêt, tu peux pas sacrifier rien sur le matériel. Puis, finalement, c'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup, je pense, pour ce jeu-là, qui est très bien. Puis le troisième jeu que tu peux me parler, tu peux d'accord avec le fameux Québécois?